On se ferait peut-être un petit astro, non ? Qu'est-ce que t'en penses ? L'horoscope du jour. L'horoscope du jour, mais quel est le signe ? Ben, je crois qu'il est Sagittaire. Sagittaire ? Je crois. Non, je crois pas. C'est vrai. Je crois que c'était les scorpions même. Ah oui, je crois que c'est peut-être les scorpions. Bah, tu vois, c'est voilà. Le rythme. Est... Bon, bref. Big up à tous les scorpions de ce festival et à tous nos auditeuristes. C'est parti. Yes. L'horoscope du jour avec Astrid von Sirius, astrologue diplômée. Scorpion, premier décan. Le mois qui vient s'annonce parfait pour profiter de la vie. En tout cas jusqu'au 22. Ensuite, il faudra profiter d'autre chose. Deuxième décan. Vous démontrez une fois de plus la grande confusion qui existe en vous entre les notions de verticalité et d'horizontalité. Troisième décan. La tension entre la Lune, Vénus et Neptune fera naître en vous un besoin d'exotisme que vous ne parviendrez malheureusement pas à combler par l'achat de graisse de coco. Merci Astrid. Merci beaucoup Astrid. Merci Astrid et merci toujours à Mathieu et Rachel.